Radio Kiki, la radio faite par et pour les enfants qui se demandent qui est qui. Une production du CTV Média, avec le soutien du musée de zoologie de l'ULB, du ministère de la joie de vivre et de Radio Campus, la radio de la communauté libre de l'université de Bruxelles. Qui Radio qui Bonjour, c'est Radio Kiki qui vous parle. Nous allons commencer cette émission par l'écoute d'une chanson contre le travail, histoire de se détendre un peu. Ensuite, nous irons au musée des enfants faire la fête. Attention, 1, 2, 3, feu, partez. J'aime tellement mon lit que j'y passe toutes mes après-midi. J'aime tellement mon lit que j'y passe toutes mes après-midi. Sous mon oreiller, des vestiges de fêtes passées, des boules de vieux papier, des plumes décolorées. Je n'ai jamais eu l'envie particulière de me lever au chant des oiseaux, et encore moins d'aller travailler. Je me vois mal passer mes journées dans une usine de surgelés à mélanger des casseroles de purée. La tête écrasée, mon corps emmitouflé ne laisse passer que mes pieds. Un jour, un crétin m'a dit: l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et pourquoi pas ceux ont de longs poils dans le dos? Je n'irai jamais travailler. Je n'irai jamais travailler. J'aime tellement mon lit. Gaspard, je fais journaliste pour Radio Kiki. C'est la fête des musées des enfants. Bonjour, comment vous vous appelez ? Bonjour, je m'appelle Marc. Et vous ? Et moi, je m'appelle Véronique. Et qu'est-ce que vous faites ici ? Ah, je suis venue accompagner mon petit garçon et passer l'après-midi avec lui. Et vous, madame ? Moi, ça m'intéresse de venir parce que mon métier est raconter des histoires. Donc là où on raconte des histoires, j'aime bien venir voir un peu ce qui se passe. Et vous avez vu déjà quelque chose ? On a été voir la kermesse, on a été écouter la fanfare. Je trouve qu'elle chante et elle joue vachement bien. On a été voir aussi le cinéma et on a été voir aussi là où on pouvait fabriquer des objets avec des vieux livres. Et puis ici, juste maintenant, on vient de ressortir d'un petit parcours qui explique un peu toute l'histoire de l'enfant depuis la naissance jusqu'à l'adolescence. Alors moi j'ai une question, qu'est-ce qui t'a le plus intéressé ici dans tout ce que tu as vu ? Qu'est-ce que t'as bien aimé ? Les géantes bulles. Les ? Géantes bulles. Moi je fais des bulles géants avec du savon, du sucre et de l'eau. Je suis Vanessa. Est-ce que vous avez déjà fait des bulles de 4 mètres ? Non, moi j'ai jamais fait. C'est trop grand parce que je suis très petite alors et mes bras sont pas si longs. C'est très très difficile. Et de combien de mètres vous pouvez faire le maximum ? Oh, je ne sais pas. Hein. Si vous êtes sur une échelle, vous pouvez faire des très très très grandes bulles avec des grandes cordes pour faire des bulles super géantes, quoi. Parfois, c'est 3 mètres. 3 mètres de longueur. Ce ne sont pas des bulles rondes, mais des longues bulles comme ça. Est-ce que vous êtes déjà rentrée dans une bulle ? Non, je ne suis pas encore rentrée dans une bulle, mais ça existe. On fait un rond en bas et on prend un film rond, un fil de fer en rond, et on passe des gens dans la bulle. Oui, c'est très beau. Vous pouvez aller voir sur Internet, sur YouTube, et vous cherchez sur les bulles géantes. Et là, vous trouvez des petits films, des gens qui font des très très très grandes bulles et des gens dans les bulles et tout. Et vous pensez que les gens aiment ce que vous faites ? Je pense bien, parce qu'ils me demandent la recette, ils demandent d'essayer, ils restent ici pour voir. Et les enfants, ils adorent d'attraper les bulles et de casser les bulles. Comment vous faites pour avoir des longues ficelles pour faire ce matériel ? C'est un fil, chez moi c'est un fil que j'ai attaché à des vis. Je sais pas comment ça s'appelle en français, en fait c'est tout. Et merci. Ça c'est un balai en deux. C'est le bois d'un balai en deux. Merci. Mais vous pouvez le faire avec des bâtons aussi, hein, avec des bâtons que vous trouvez et avec de la laine. Qu'est-ce que tu fais ici, Hélène ? Ben, je viens pour m'amuser. Mais on est où ici ? Ben, au parc du musée des enfants. Et qu'est-ce qu'il y a ? Ben, des ateliers sur aussi pour la Croix-Rouge, des maquillages, on peut enregistrer la radio, du compost, des trucs avec du compost, et toutes sortes de choses. Tu t'intéresses au compost ? Ben, j'ai pas fait, donc je sais pas ce que c'est. On pourrait essayer de faire un reportage sur le compost, qu'est-ce que t'en penses ? Peut-être. Bonjour, comment vous appelez ? Je m'appelle Marie. C'est quoi un compost ? Mais le compost, en fait, on met dans le compost tout ce qui est végétal. Donc, quand tu fais à manger, tu vas peler des carottes, tu vas mettre les plures, tu peux mettre donc tout ce qui est un reste de salade, des choses comme ça, et également des fruits. Pommes, poires, etc. Non, pas qu'ils sont pourris. Pourquoi veux-tu qu'ils soient pourris ? Parce qu'on ne va pas jeter des fruits. Non, mais quand tu manges une pomme, le trognon, tu vas le jeter. Oui. Si tu manges des carottes, tu vas peler les carottes. Tu peux jeter les pures. Si tu fais des poireaux, ben, y a toujours le bout des poireaux, le vert qui est un peu trop dur, que tu vas jeter. Voilà. Donc tu ne jettes pas, tu ne laisses pas pourrir, tu jettes le surplus de tes aliments. Voilà. Mais tous des aliments sans graisse. Donc une fois que c'est cuit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas non plus mettre de la viande, tu ne peux pas mettre du fromage, etc. Ça, ce sont des éléments gras et ça va amener des souris, ça va amener plein de bestioles et ce n'est pas le but. Voilà. Et après, que fait-on du compost ? Donc, les personnes... donc, comme moi, tu veux voir, j'ai mon petit seau avec moi. Je ne l'avais même pas encore porté. En fait, donc, chaque fois que je fais à manger ou chaque fois que je mets un fruit, je mets ça dans mon petit seau. Et chaque fois que mon petit seau est plein, je l'apporte. Et comme je ne l'ai pas encore mis, je vais vous le montrer. Voilà. Tu vois, j'ai des pelures de bananes. Ah oui, ce qu'on peut mettre aussi, c'est le marc de café. Tu vois, j'ai des pelures de bananes, de kiwi, de l'oignon, un petit peu de tomate. Donc, il y a un petit peu de tout. Donc, chaque fois que j'ai mon petit seau, je l'apporte et je vais aller le mettre dans le bac à où on va composter. Alors, pour que ça ne pourrisse pas bêtement, simplement comme ça, on doit rajouter un apport organique qui est du branchage. Ça, c'est fourni, c'est la commune, il y a quelqu'un de la commune qui s'en occupe, on leur téléphone, qui manque de broyat, ça s'appelle du broyat, et ils en apportent. Donc, on dépose son petit seau, on verse ses épluchures, et puis on ajoute au-dessus un petit peu de broyat. Ça, c'est la première étape. Et alors, les étapes suivantes, si tu vas voir, qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs bacs parce qu'on doit retourner ce broyat parce que ça se décompose. Et alors, on finit par avoir le compost, c'est-à-dire qu'on a de nouveau de la terre pour mettre dans son jardin, pour ses fleurs, etc. Voilà. Est-ce que j'ai été claire? Mais je voudrais savoir ce que vous allez faire. C'est pour une école ou c'est... On va passer ce reportage à la radio, Radio Campus. Ah bon? Donc on va entendre tout ce que j'ai dit. C'est bien. Quel âge as-tu? 11 ans. 11 ans. Et tu habites aussi XL? Rue des Échevins. Ah, mais alors tu viens au compost, non? Non. Ah, il faudra le faire. Ok. C'est tout le temps. Ah, mais on peut venir déposer aux heures où le jardin est ouvert, évidemment. Mm-hmm. Hein. Donc, en hiver, c'est un petit peu plus tôt, mais enfin, le soir, on ne vient pas ici. Hein. Mais donc, tu peux venir le week-end, tu peux venir le mercredi après-midi, et tu fais ça chez toi. C'est une économie pour les sacs poubelles, parce que tu ne mets pas ça dans les sacs poubelles et ça ne va pas au dépotoir, où c'est incinéré, et puis ça rend service. Si toi, tu n'as pas besoin de compost parce que tu n'as pas de jardin, il y a peut-être quelqu'un qui a un jardin qui va prendre un petit peu de compost à la fin. Et donc, c'est utile, c'est bon pour la nature. Voilà. Nous faisons partie de la Radio Kiki et nous voulons vous poser quelques questions. En premier, comment vous appelez-vous? Anne. Mais ici, en l'occurrence, je suis volontaire de la Croix-Rouge. Avec quelle peinture maquillez-vous les enfants? Avec des peintures spéciales pour la peau. Comme ça, il n'y a pas de danger, évidemment. Et c'est facilement lavable. Voilà, le but, c'est pas qu'on ne puisse plus l'enlever. Tu vois, c'est le but, c'est de faire un petit maquillage sympathique, tu vois, avec des belles dentelles. Aimez-vous maquiller les enfants? Ah ben, écoute, oui, c'est très amusant. Eh bien, regarde, j'ai fait deux petites coccinelles. Regarde la petite fille, comme elle est jolie. C'est sympathique, ça fait printemps avec le soleil, c'est magnifique. Pourquoi l'ambulance, elle est ici? Parce que, outre le maquillage, ça c'est une des activités, on fait de la prévention. Donc, quand il y a des groupes comme vous, très importants, eh bien, il faut veiller à la sécurité et éventuellement intervenir. Et donc, c'est pas une ambulance. Non, c'est pas une ambulance, c'est une camionnette. Mais on fait de la prévention, donc on a du matériel pour les tout premiers secours. Si jamais il se passe quelque chose, et puis s'il faut, on appellera l'ambulance. Et Micheline et Alain, qui est quelque part, en fait, ce sont des secouristes. Voilà. Et Dominique et moi, par exemple, et Francine, on fait de l'action sociale. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Comment arrivez-vous à faire des blessures si précises? Ah, mais ça, on apprend à les faire parce que ce qu'il faut, c'est qu'on mette, quand nous, on a des formations, quand on forme les gens, on doit mettre les gens dans une situation la plus véridique possible. Et donc, pour bien visualiser la scène et ce qu'il faut faire, on apprend un petit peu à maquiller, donc à mettre des mises en situation avec des blessures, des cloques pour les brûlures, des morceaux d'éclats de verre, si on veut, des corps étrangers dans les blessures, voilà. C'est les enfants qui demandent d'avoir des cloques et tout ça? Oui, alors en l'occurrence ici, c'est eux qui font la demande et puis on s'adapte et on leur fait, voilà. Les grosses écorchures, les bobos aux genoux, voilà, ils ont demandé. Ils ont un choix entre quoi? Alors moi je suis pas très, très formée, mais donc, et puis ça prend un peu de temps s'il y a du monde, donc on essaye de s'adapter. On a fait des blessures, des écorchures, des bleus, voilà, et surtout des brûlures avec des cloques qui apparaissent. Alors, il y a le maquillage, je dirais, des gentils, avec les Spider-Man, les princesses. Et puis, il y avait une demande pour des maquillages plus, plus hard, je dirais, effectivement, telles que les brûlures et les blessures. Est-ce que ça peut être dangereux? Genre avec les bouts de verre Ah, si c'est en vrai, oui. Si c'est en vrai, oui. Bon, quand on maquille pour du faux, non. On va pas mettre en danger les personnes pour faire semblant. Hein. Non, non, on met des morceaux de plastique, de gobelets, des choses comme ça. Alors, on a fait des blessures, comme si c'était écorché et tombé, effectivement, avec des crasses dedans, comme ça fait plus réaliste. Il n'y a pas eu de demande de brûler ? Si, si, beaucoup, parce que les petites cloches de brûler qui apparaissent, ça impressionne quand même. Comment fait-on des cloches de brûler ? Mais avec des moyens les plus simples possibles, évidemment. Et donc, c'est un peu de gel pour les cheveux, un peu de rouge à lèvres ou de fard de paupières pour donner la couleur du brûlage. Un peu de gel et puis un petit peu de papier très, très fin, comme des petites pellicules de mouchoir en papier avec un peu d'eau pour faire la transparence. Est-ce que tu crois que la jeune fille qui est à côté de moi va te demander quelque chose de dégoûtant ? Non, je ne pense pas. À mon avis, elle va demander une princesse. Tu vas demander une princesse ? Oui. Tu veux pas écorcher vif, brûler des cailloux sur la figure ? Non, ça lui fait peur. Excuse-moi de vous déranger. On travaille pour Radio Cookie et on voudrait demander des petites questions. Comment vous appelez-vous ? Bonjour, alors je m'appelle Luca. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis artiste de cirque, je suis jongleur. Et c'est très facile ? Faut apprendre, c'est comme tout. Donc ça prend du temps, c'est comme le vélo. Donc plus on en fait, mieux on sait rouler. Et c'est des balles de vraies balles ? Des vraies balles ? Oui, c'est des vraies balles de jonglerie, avec des graines dedans. Et vous avez quel âge ? Moi j'ai 28 ans. Et ça fait combien de temps que vous faites artiste de cirque ? Alors ça fait 6 ans que je fais ça tout le temps. Et ça fait 17 ans que je sais jongler. Est-ce que vous faites autre chose que de la jonglerie ? Oui, alors je fais de l'acrobatie, j'ai fait de la danse aussi, je fais du théâtre. Et vous faites pas autre chose dans votre vie que du cirque ? Non. C'est votre métier ? Oui, c'est mon métier. Je vis de ça. Brandon, mais tu es un intervieweur de radio ? Non, je viens aider pour aujourd'hui. Et tu viens aider pour faire quoi ? Pour apprendre ce métier. Ah oui, c'est un métier qui t'intéresse ? Un peu. Ouais. Entre le caissier et la radio. Entre le ? Caissier et la radio. D'accord. Je veux bien être les deux, mais il faut choisir. Et qu'est-ce qui te fait rêver dans le caissier ? M'amuser avec la caisse. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Sarah. Et moi, je m'appelle Adine. Enchantée, Adine. Enchantée. Alors, aujourd'hui, comme tu vois, j'ai un petit garçon. Là, on joue au petit magasin. Il est très impatient de repartir voir toutes les autres activités. Parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que dans cette maison, qui est le musée des enfants, il y a plein de choses vraiment super. Alors, là, on a joué au magasin. Donc, ça veut dire que tu as différents petits accessoires. Tu notes le chiffre qui correspond. Et ensuite, tu payes, on fait le total. Johnny, tu dis bonjour. Comment on fait pour utiliser les blocs ? Alors là, il est dit que tu choisis. Regarde, mode d'emploi. Pour faire tes courses, prends un caddie ou un panier et choisis parmi les 20 familles. Alors, il y en a un. Les représentent les caractères des familles, représentent la nourriture que tu préfères, représentent les bisous que tu as choisis, représentent les vacances que tu aimes. Donc toi aussi, peut-être tu peux essayer de faire le tour, mettre dans le caddie, et puis ensuite un de tes collègues peut s'asseoir et faire la caisse enregistreuse. Parce que nous, on a ramené des faux billets d'un jeu et on des va jouer billets. Avec. Tu veux dire que tu es faussaire ? Tu fais des faux billets ? Non, on a des faux billets d'un jeu et puis on va les mettre dedans pour jouer. Bon, je crois que je vais devoir te céder la place parce que... Mais qu'est-ce qui se passe, Sarah ? Tu peux nous expliquer ce qui se passe ? Qui est cet homme qui te suit ? Ah, c'est mon petit garçon, Isabelle Sony, et il veut me faire découvrir le musée pour la première fois et je pense qu'il est fort jaloux de voir plein d'autres enfants autour de moi. On va te laisser partir, mais sinon il va te faire du mal. Bonne visite à vous deux. Merci beaucoup. Comment vous appelez ? Alors, je m'appelle Michel et je travaille aujourd'hui pour l'association Respect. Et il paraît que vous faites des massages ? Voilà, aujourd'hui c'est ça que je proposais. Donc ce sont des massages qu'on a fait parents et enfants. Et vous avez fait des massages ? Oui, Alors moi aujourd'hui, j'en ai fait, évidemment. J'ai massé beaucoup de gens, puisque j'ai montré tous les gestes que j'ai faits. Et je fais des massages, c'est mon travail aussi. Je vais dans les écoles et j'aide les instituteurs, les institutrices à masser les enfants, mais surtout que les enfants se massent eux-mêmes. C'est ça que j'essaye de faire, pour que les enfants puissent se détendre, puissent se relaxer, parce que parfois à l'école, on n'est pas vraiment détendu, pas vraiment relaxé, pas vraiment concentré. Et avec quelques gestes simples, on arrive à se concentrer, à mieux respirer, à être prêt à écouter la leçon, à être plus attentif. Voilà, c'est ce que j'essaye et ce que je fais d'ailleurs. Je vais dans les écoles et j'apprends ces gestes simples. Mais que c'est les gestes simples? Alors, il y a des gestes que l'on fait en duo, c'est en général ce que les enfants aiment le mieux. Donc, il y a des gestes qu'on fait sur la tête, comme un petit shampoing ou des gouttes de pluie qui tombent sur la tête. Et puis, on va faire des gestes dans le dos, on va faire des tambourinages, on va faire des pincettes, on va pétrir. Il y a plein de gestes qu'on peut faire avec ses mains. Les mains, c'est des outils un peu magiques, parce qu'on peut faire plein de choses avec ses mains. On peut aller tout doux, on peut aller plus fort, et il y a plein de gestes qu'on peut faire dans le dos et qui sont très très agréables. Donc par exemple, ça dure à peu près 10 minutes, hein, donc c'est pas plus que 10 minutes. Pendant 10 minutes, on va se masser et la tête, et les épaules, et le cou. Mais ce qui est très très important, c'est que chacun doit être prêt à se faire ce massage et aussi être d'accord d'être massé. Parce que parfois, on n'a pas envie d'être massé. Mm-hmm. Donc, on doit demander à chacun, c'est pour ça que ça s'appelle un peu l'association Respect, c'est que chaque fois, avant le massage, on va demander à celui qui est devant nous, est-ce que tu es prêt à être massé? Est-ce que tu es d'accord d'être massé? Et quand le massage est terminé, celui qui a reçu le massage va se retourner et va dire merci. Et puis après, on va inverser les rôles. Celui qui a donné va recevoir le massage et celui qui a reçu va donner le massage. Et chaque fois, le rituel sera pareil. On va demander, est-ce que tu es d'accord d'être massé? Puis on va se mettre dans une bulle. Et cette bulle, elle va nous mettre un petit peu à l'abri. C'est une bulle où on peut se chuchoter les choses. Donc, on va aussi demander à son copain, tiens, mais ce que je te fais, est-ce que tu trouves ça agréable ou est-ce que c'est trop fort ou c'est pas assez fort ou qu'est-ce que tu aimerais que ce soit? Comment est-ce que tu aimerais que je fasse le massage? Donc, vraiment, il faut se parler tout en se chuchotant dans la bulle. Comment vous vous appelez, madame? Moi, je m'appelle Marie-Lou. Tu peux me donner mon prénom, c'est Marie-Lou. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Eh bien, je fais la garde. Je surveille un petit peu et je renseigne pour les jeux. Mais je suis dans le home ici, hein, moi. Si, hein. Alors, on a des invités aussi, nous, comme vous autres. Et toi? Le grand, là, en garçon qui sourit si gentiment. Je m'appelle Corentin. Et quel âge, toi, tu as? Je vais avoir 11 ans. Qu'est-ce que c'est, les cinq sens? Entendre? Parler? Sentir? Écoutez, voilà. Un sixième sens, ça, je n'ai pas. Et voir aussi, hein. Et voir. Voilà, ça, j'ai oublié. Ça devient âgé, hein. Ça devient vieux. Ça devient difficile. C'est vrai, d'écouter, d'entendre, on est un peu difficile aussi quand on devient âgé. On n'entend pas si bien, c'est fini. Et voir non plus. Ah, moi, j'ai ma petite carte blanche, moi. C'est malvoyante. Enfin, je te vois encore, c'est quand je te vois de près, je te vois encore. Et toi aussi, tu sais. C'est pas ça, madame, c'est... Ben, on voit moins quand on est âgé, parce qu'on vieillit. Marie-Lou, pourquoi vous voyez comme ça et que vous avez du mal à faire? Ah, c'est large. C'est large. C'est la cataracte. Normalement, on peut opérer ça, mais c'est trop difficile chez moi, c'est trop âgé. Parce que tiens, il y a une rétine devant. Hein. Si on abîme la rétine, alors je ne verrai plus rien. Alors si la rétine n'est pas très bonne, c'est ce qu'on voit, hein, avec la rétine. Hein. Alors il y a un voile qui se met devant. Normalement, on doit enlever ce voile, mais si on touche la rétine, on ne voit plus rien. Alors on préfère s'abstenir, ne pas opérer. Mais certaines personnes ont été opérées très bien ici. Hein. Elles voient bien sans lunettes et tout. Hein. Elles savent bien lire. Hein. Mais moi, ça n'a pas le cas. On n'a pas réussi chez moi. On a raté mon cas. Est-ce que vous êtes dans un home ou vous êtes chez vous à la maison? Moi, en vacances? Non, je suis dans le home. J'habite ici maintenant parce que trop âgé, on fait tout mal à la maison. Hein. On fait tout travers. Alors on se dit, il faut se placer. Je suis nourrie, je suis logée, j'ai chaud aussi dans l'homme, et j'ai de l'éclairage, j'ai tout ce qu'il faut. Et des soignantes, et des infirmières le soir, et elles viennent pour la nuit, elles passent la nuit alors. Et dans la journée aussi, une infirmière, il y a des aides-soignantes aussi. Quand on a un petit problème, on demande alors, faites-moi ça ou ça, hein. On questionne un petit peu ce qu'on a. Tu vois, alors on vous envoie chez les médecins aussi, de temps en temps. Un petit peu surveiller hein, ce qu'on a. Ah, ça c'est large, ça c'est tout doucement. Il n'y a rien à faire à ça. Et vous avez quel âge? Comment? Qu'est-ce que tu crois? C'est pas dire 86. C'est pas mal, hein? Ma grand-mère, elle a 88. Ah, oh, encore plus âgée que moi, c'est bien ça. Oh. Mais moi, c'est parce que mon mari, il est parti. On décède aussi, hein? C'est vrai, hein? Je ne sais pas si vous allez au ciel, je ne sais pas. Mais alors du coup, moi je suis seule à la maison, une grande maison, c'est trop grand, alors je suis venue ici. Moi, je suis bien ici. Et on est bien nourri, on a bien à manger. Et des bons petits desserts aussi. De la glace, de la bonne soupe. Comment elle s'appelle, Léo? Comment? Il n'y a que 4 mois que je suis ici, hein? Je ne retiens pas encore très bien. Comment s'appelle maintenant, Léo? Mais c'est... Je vais le chercher. Ça reviendra, ça revient. Charlotte, là. Charlotte. Des heures douces ou quelque chose comme ça. Comment s'appelle l'homme? Je sais plus. Les heures douces. En fait, on travaille pour Radio Kiki. Ah ouais. Radio Kiki. Oh. Et on voudrait vous interroger pour savoir plus de choses. Comment faites-vous pour jouer de la flûte? Je souffle dedans et je bouge mes doigts. Est-ce que c'est difficile? Non, c'est pas difficile, est-ce mais il faut un peu s'entraîner. Ça demande beaucoup d'entraînement? Il faut un peu s'entraîner parce que sinon ça marche plus. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Zoé. Et vous, comment vous appelez? Le groupe des louveteaux. Ah ouais? Et vous êtes tous blessés? Oui, on est tombés. En fait, on l'a fait dans la Croix-Rouge. Ils nous ont fait des blessures comme ça. Ouf, mais pas des vraies. Ça a l'air grave, hein? Mais c'est pas vrai, ça va. Moi, j'en ai qui me double le crâne. Ouais, on va mourir. Vous jouez que de la flûte? Je joue un peu de flûte et j'apprends la clarinette. Ah. Mais la clarinette, je sais pas la transporter, alors je joue la flûte que dehors. Quel est votre métier? Je travaille dans l'assurance. Je fabrique des programmes. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petite? Comme vous, jouer, lire. À quel âge avez-vous commencé la flûte? J'ai commencé la flûte quand j'étais petite, mais j'ai arrêté tout un temps et maintenant je recommence. Vous avez eu au moins quel âge? Maintenant j'ai 25 ans. Est-ce que vous avez des préférences pour un objet ou... Pour un objet? Un instrument? La clarinette. Mais c'est très difficile, alors j'essaye de l'apprendre, mais ça prend vraiment du temps. Quel instrument avez-vous en main? Une flûte. Et vous, il y a quelqu'un qui joue un instrument ici? Non, moi je fais du karaté. Ah, moi aussi je fais du karaté. Et de la piscine. Ah, c'est chouette ça. Moi je fais du scout. Ouais, c'est bien aussi, tu cours beaucoup. Regarde, on a une interview, je vous présente mon fils. Et mon filleul. Bonjour. Vous êtes interviewé par Radio Kiki. Radio oui. Qui se demande qui est qui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui. Comment vous appelez? Ethan. Quel âge as-tu? 7 ans. Est-ce que tu aimes le musée des enfants? Oui, j'adore. Et toi? Tu t'appelles comment? Pierre. Tu as quel âge? Je ne sais pas. Comment tu sais pas? Je crois 6 ou 5. 6. Est-ce que vous aimez le musée des enfants? Oui. Qu'est-ce que tu préfères au musée des enfants? Faire des bulles. Faire des bulles. Et vous? Moi, préférer les cours de cuisine. Moi, c'est vrai. Il y a des cours de cuisine? Quelle est la chose que vous avez le moins aimé dans le musée des enfants? Moi, ce que je déteste le plus, c'est tomber de la balançoire. Ok, moi j'aime bien la balançoire. Et vous? Sur Radio Kiki et c'était Basile Kezen à l'antenne. Salut, adios amigos, à mercredi prochain. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. Non, mais ça va pas, non ? Au secours ! Au secours !